tout va mal, dis-moi pour tout t'es. C'est pas ma faute, si je fais que m'écouter. S'il y a trop d'MC qui m'ont dégoûté, ramène ta folle, je vais la faire zouker. Ramène de l'alcool, je vais tout découper. Je vais niquer le rap, si sur moi tu doutais. Mise un bleu ou même un violet, disque dans une semaine. Là, c'est Jules, sur pépé que je vais tous les violer. Je vais faire violer, ah. Si tu buzz, ne m'en voulais pas. Un 3-5, c'est anti-état. On va tout baiser, on déconne pas. De la prête à Nanterre, c'est des terres au guisant. Pendant que tu me rabaisse, ça go, matin. Je suis dans le game comme un combattant. Moi, j'ai pas fait de pacte avec Satan. Au quartier, c'est pas bête, voiture de travers. Cette insulte amère, mon regard de travers. Tes DM en l'air. Et Smith arrive en courant, écrit main en l'air. Trop de folles folles qui donnent des gos par téléphone. Elles font genre, c'est des fans. Y'a souvent trop de jaloux, trop de traits, trop de balance. À cause de gens, toi, c'est la police à l'interphone. Ça se monte dessus, c'est comme ça dans ma zone. Quand les sous dans la tête, il y a plus de madone. Mes potes m'appellent de cellule, ils me disent de mon rêve, c'est de faire choper la matone. Le rap, j'y casse la conne. Ça quitte à faire la cogno. Je suis en I dans le check, la cogno. Comme un matin promenade, ouais, cogno. Et ouais, pour ne sert de faire le colosse. T'es les russes ont inventé la calache. Personne m'en chire pas, mais si je veux, j'ai plein d'autres idées pour te niquer ta race. À l'aise, sur une jambe au planète rap. J'fais mes instruits, j'aime trop, j'écris ce qu'ils vivent. Dédicace ma team, joue le proto, jamais ça s'arrêtera. Yeah. Moi j'suis trop fin de billets. Redemande à mort, t'as dans ne jamais oublier les oublier. Fais gaffe à qui tu vas te fier. Aux flics, pas tout le monde va nier. Derrière votre amitié peut se cacher un gros canon scié. Et au malheur, y'a trop de tiens, j'viens dans le ghetto. Je vois les petits cons en train de fumer. Les grands pourraient rien se fumer. Un peu trop en tol, ben faut l'assumer. Vive au malheur. Vive au malheur. Vive au malheur. Vive au malheur. Énervé l'instru, j'calcine. Pété que j'emboucane ma voisine. Que ça gratte de mandat ou signe. Quand c'est trop cramé, ben ça casse la cime. J'plus le même sac qui s'imagine. J'en fais deux barres, tu me fais la grosse machine. Joule, joule, c'est la crème. Ça suce pas pour entrer dans les hit machines. Marseille c'est chaud, rien que ça s'assassine. J'ai la gâchette ou la parole facile. Qu'est-ce qu'il y a, je vois que je fais fascine. Redescends sur terre la zine. Qui me donnera ses ailes. Si un jour je veux m'envoler. Si un jour j'ai plus un qui pour moi ira voler. Celui qui dit mon frère, c'est souvent lui qui va te donner. Qui dit faute avouée, dit à moitié pardonné. Beau la vie mène, disque d'or, je traîne encore. Pour un rien, je m'emporte. Rien n'a changé. Je dis comme avant, je me rappelle même plus du passé. Ça m'a fait mal au cœur. T'as pas dit bonjour quand t'es passé. Le cœur sur la main, j'avance même s'il est cassé. Je m'envole, laissez-moi passer. Y'en a assez de tous ces BDH. Ce qu'ils savent pas choisir, un camp pour moi c'est des lâches. Je m'envole, laissez-moi où ça va péter cage. Je me rappelle à la pomme quand ça pétait des H. Vive au malheur, y'a trop de tiens, j'viens dans le ghetto. Vive leur malheur, vive leur malheur. Vive au malheur, y'a trop de frères qui partent trop tôt. Vive au malheur, vive au malheur. Y'a de quoi halluciner, j'vois les petits cons en train de fumer. Les grands pourraient rien se fumer, un poteau en tol, ben faut l'assumer. Vive au malheur.